Les personnes qui ont contribué à la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique Sol-Sol à moyenne et longue portée façon 10 ont séjourné du 25 au 29 juin à Pyongyang grâce aux bienfaits du Parti du Travail de Corée. Beaucoup de Pyongyangeois ont accueilli le 25 juin les scientifiques, techniciens, ouvriers et cadres qui ont contribué à la réussite au dernier lancement expérimental. Ils ont tout d'abord visité le palais du soleil de Kumsusan, temple suprême du Chuché, où sont conservés le corps embaumé du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour formuler leur hommage. Ils ont visité le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchon et le palais des sciences et techniques et se sont amusés au parc d'attractions du peuple de Jonglan, au delphinarium de Jonglan et au parc aquatique de Munsu. Ils ont aussi assisté à l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution » et à la représentation d'ensemble du cirque national. Pendant leur séjour à Pyongyang, ils ont été conviés au banquet en leur honneur et fêté leur anniversaire. Ils ont quitté le 29 juin Pyongyang.